un soir. « Tu n'as plus l'air de républicain, me dit Rock, en toisant mes habits à la mode. »« Monte là-haut, lui dis-je, et tu verras si je suis resté pauvre. » Il monte. Nous sommes restés une heure à parler à voix basse dans mon trou. J'ai gardé au fond de moi-même la haine, inguérissable, du 2 décembre. Ambitieux révolté, j'ai souffert, à en mourir, de la vie sourde des villes de l'Empire. Et dans le brouillard qui m'étouffe, moi obscur, comme il étouffe les célèbres, je n'ai pas cessé de mâcher des mots de conspiration contre Bonaparte. Rock est venu me voir pour m'avertir que tout est prêt. Il y a convocation mystérieuse pour ce soir. C'est pour demain. Mais j'ai lu des livres, j'ai réfléchi, et je ne crois plus aussi fort que jadis à l'efficacité du régicide. C'est le mal social qu'il faudrait tuer. Je n'ai pu cacher à Rock mon incrédulité. J'ai communiqué à Legrand le plan d'attaque. C'est pour aujourd'hui. Le sort en est jeté. Le coup consiste à tirer sur l'empereur qui doit aller ce soir à l'Opéra Comique. On l'attendra à la porte. Feu ! Vive la République ! À moi, Vetra, de soulever la rive gauche. Il est 7 heures. Nous attendons. Nous trouvons moyen de plaisanter nos tournures de conjurés, car les pistolets et les poignards font des bosses sous nos habits. Et nous donne l'air d'avoir volé des saucissons ou de réchauffer des marmottes. Nous sifflons des bocs. Il est 8h30. Point de nouvelles. 10h, personne. Minuit, encore rien. Il faut prendre un parti. Dispersez-vous, dis-je. Je reste sous l'Odéon avec Collinet. Ah, il faut fuir. Dans l'obscurité, nous longeons les murailles. À 3h du matin, je suis enfin dans mon lit, n'en pouvant plus, brisé de fatigue, broyé par 7 heures d'anxiété mortelle. Mes luttes contre l'Empire se terminent toutes par des courbatures. Des blessures piteuses font saigner mes pieds. C'est bête et honteux, comme la fatigue d'un âne. Je suis chez Duriol au matin. J'apprends que Rock est sous clé. Legrand, Collinet, Duriol et moi, nous sommes les habitués d'une crèmerie de la rue des Cordiers. Il est 8 heures du soir. La crèmerie est envahie. Un homme en écharpe tricolore est à la tête de 6 ou 7 individus de mauvaise mine, en bourgeois. Il ordonne de fermer les portes. Au nom de la loi, que personne ne sorte. Legrand, il n'y est pas. Volquin, il n'y est pas. Collinet, voilà. Collinet, qui heureusement n'est plus saucissonné de pistolet, demande ce qu'on lui veut. On vous le dira tout à l'heure. Vintra, présent ! Je réponds d'une voix pleine et d'un air insolent. J'étais chef d'une soirée. Je ne dois pas songer à m'esquiver quand les autres se livrent. Le juge d'instruction a essayé de m'intimider. Imbécile ! Vous mangerez longtemps des lentilles d'ici si vous voulez faire le héros comme cela, m'a-t-il dit d'un air goguenard et menaçant. Mais je ne les déteste pas, ces lentilles. Mais il ne sait donc pas que je me régale avec la chopine qu'on me donne. Je n'ai jamais tété de si bon vin. Qu'est-ce donc? Par la porte de la cellule de la prison de Mazas, boulevard Diderot, en face de la mienne, je viens de reconnaître une pipe, celle de Legrand. On vient de me crier « Armes et bagages !» Cela veut dire « Vous êtes libre, ramassez vos frusques !» Mais hélas, mon nom a été prononcé parmi ceux des arrêtés. Mon titre de républicain, mes relations avec les chefs du complot, tout mon passé de 1851 a été mis dans les journaux. Et quand je me présente pour mes leçons, les visages sont glacés. Je suis de la canaille, à présent. On me règle, on me paie, et c'est fini. Ma clientèle est morte. Il n'y a plus même de leçons à 2 francs, ni à 20 sous.